besoin. Quand t'as le succès, ça se s'abuser. Elle t'a laissé, ouais, comme une petite merde. Mais t'as demandé encore, j'en suis médusé. C'est que des petits pour les mecs coupés. À 3 contre 1, ça joue les guerriers. Les petits ont peur de rien, ils sont dopés. Plein de CC comme Rafa Quintero. Ça demande pas comment, ça te demande combien. Les petits s'en battent les couilles, de 3 bifetons, ils sont fulhens. Dans les veines du sang du guerrier, demande pas d'où on vient. Prix marocain, ça vient du rip, ça vient du nerf. Rappelle-toi quand on était petit, tout le monde était fidèle. Mais en grandissant, la soif de pognon a pris dessus. Au début, tu leur apprends à voler de leurs propres ailes. Et il faut que ça vole de ses propres ailes, ça chie dessus. Chacun pense qu'à son cul, des droits de l'homme que pour les riches. Pauvre n'est pas une once, mais bon, à force, c'est fatigant. Y'a même pas quoi manger, photos partout, ça crève la dalle. On pourrait sauver le monde avec tout l'or du Vatican. On reste toujours le même, même pour une pute ou pour un chèque. On changera pas d'avis, je rappelle toujours mes idées pif. On prend toujours de l'avance, on est bien dans un jeu d'échecs. Y'a ceux qui mènent la danse et ceux qui toute la journée dans le bloc, ça se passait des gros billets. Ça fait les sous, pendant que tu roupillais. Ouais, pour toi, c'est la guerre, la grenade est débouclée. Pas de mécano, mais tout le monde est outillé. Toute la journée dans le bloc, ça se passait des gros billets. Ça fait les sous, pendant que tu roupillais. Ouais, pour toi, c'est la guerre, la grenade est débouclée. Pas de mécano, mais tout le monde est outillé. Il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est que des pigeons avec des certicules. Tu te la ramènes seulement quand ça t'arrange. Mais tu te la perds devant le désert, tu gueules. Chacun sa perte, chacun son maléfice. Chacun son style, chacun son procédé. Ils aiment le risque, ils aiment le bénéfice. Ils aiment signer, ils aiment pas trop céder. Jeune de cité cramé dans le RS3. Un putain de gros nuage de fumée dans l'habitacle. Salope, je fais le sourd quand j'entends que ça parle de moi. Fais gaffe à ce que tu vas dire, poto, un déclare habitacle. J'enchaîne les métaphores, poto, je te laisse aucun répit. J'ai trop d'inspiration dans mon cerveau, j'ai fumé la fusée. Les grosses caisses attirent toutes les michetonneuses et les képis. Comme une tête cramée avec un dégradé d'accusé. Je dirai pas quoi faire, je me mets tout de ceux qui me regardent. Mais si ça parle de mon frérot, je me sens concerné. J'ai comme un sixième sens, pas besoin de voir le regard. Je vois encore beaucoup plus de choses avec les yeux fermés. Faire des billets de pas normal, ça fait couler le sang. On voit beaucoup de plus dans son dépeu de bienfaiteurs. Tous accusés à tort, on est tous innocents. Je te parle d'amis d'enfants, je te parle d'assaut. Toute la journée dans le bloc, ça se passait des gros billets. Ça fait les sous pendant que tu roupillais. Ouais, pour toi c'est la guerre, la grenade est dégoupillée. Pas de mécano, mais tout le monde est outillé. Toute la journée dans le bloc, ça se passait des gros billets. Ça fait les sous pendant que tu roupillais. Ouais, pour toi c'est la guerre, la grenade est dégoupillée. Pas de mécano, mais tout le monde est outillé. Toute la journée dans le bloc, ça se passait des gros billets. Ça fait les sous pendant que tu roupillais. Ouais, pour toi c'est la guerre, la grenade est dégoupillée. Pas de mécano, mais tout le monde est outillé. Toute la journée dans le bloc, ça se passait des gros billets. Ça fait les sous pendant que tu roupillais. Ouais, pour toi c'est la guerre, la grenade est dégoupillée. Pas de mécano, mais tout le monde est outillé.